Chapitre 2e. La fille du gouverneur. Emilienne était fille d'Antoine de Glandeves, seigneur de Cuges, gentilhomme provençal, également renommé par sa bravoure, par ses richesses et par l'ancienneté de sa famille. Ayant accompagné nos rois dans la plupart de leurs guerres, sa jeunesse avait été féconde en prouesses et en hauts faits d'armes. En 1504, se trouvant à Marseille, sa ville natale, il avait connu Béatrix de Faliari, dame romaine d'une grande beauté, dont le frère unique, après avoir quitté le monde, était venu s'enfermer dans la célèbre abbaye de Saint-Victor, sous le nom modeste de frère Anselme. Glandeves est pris de Béatrix, brigua l'honneur d'obtenir sa main. Cette faveur ne lui fut accordée qu'à la condition qu'il se fixerait à Marseille, afin que la noble demoiselle fût plus à portée de revoir quelquefois son frère qu'elle chérissait tendrement. 2 ans après son mariage, la dame de Glandeves mit au monde une fille à qui l'on donna le nom d'Améliane. Malheureusement, la naissance de cet enfant si vivement désiré semble tarir dans le sein de sa mère les sources de la vie. Peu à peu, les roses de son teint s'effacèrent, une moite pâleur se répandit sur ses traits. Faible et languissante, elle s'avançait à pas lents vers la tombe. Cependant, Améliane grandissait belle de la beauté de sa mère, fraîche et vermeille de la santé qu'elle lui avait ravie. En considérant la suave enfant, la dame de Glandeves sentait toujours une larme mouiller sa paupière. De douloureux pressentiments passaient alors comme un frisson sur son cœur. Elle tremblait à l'idée que sa fille serait bientôt privée des baisers et des soins de sa mère. À l'époque où l'automne commence à jaunir la cime des grands arbres, l'enfant atteignait sa 3e année. Béatrix, plus souffrante que d'habitude, serrait et pleurait sa fille dans ses bras, étonnée que l'amour maternel n'eût pas assez de puissance pour enchaîner son âme à la vie. Prévoyant qu'elle s'éteindrait bientôt, elle voulut au moins, pour ne pas la laisser orpheline, confier Améliane à la mère bénie que le christianisme donne à tous ses enfants. Auprès de la ville de Marseille s'élève une colline aride, sur le haut de laquelle, de nos jours, croissent à peine des herbes rabougries et quelques rares plantes de thym. Mais à l'époque dont nous parlons, des taillis épais et des arbres vieux comme le monde la couvraient entièrement. Vers le 13e siècle, un religieux de Saint-Victor, désirant mener une vie plus parfaite, obtint de son supérieur la permission d'habiter seul le sommet de la colline. Il y bâtit une chapelle à la Vierge, sous le titre de Notre-Dame de la Garde. Telle est l'origine du fameux sanctuaire, si dévotement visité de nos jours, et sur les dalles duquel tant de douleurs et tant d'espérances viennent tour à tour déposer une larme, former une prière. La cité vit avec bonheur s'élever les murs du pieux édifice. À peine fut-il achevé que les pèlerinages à travers les détours encore inconnus de la colline sainte se multiplièrent. Et bientôt après, de nombreux ex-voto, symboles touchants d'une reconnaissance que l'on voudrait éterniser, en décorèrent l'humble enceinte. Le notonnier, partout dévot à Marie, ne fut pas le seul à venir, au retour d'un long et périlleux voyage, accomplir le vœu qu'il avait fait, et pour preuve de sa foi, suspendre son pavillon en lambeaux au pilier du sanctuaire chéri. L'orphelin y montait aussi, pour chercher une mère, et le vieillard infirme et débile s'y traînait pour remettre soin de la Vierge et ses petits-enfants et le soir de sa vie. Ce fut dans cette chapelle que Béatrix résolut d'aller consacrer sa fille à Marie. Prenant par la main la jeune Améliane, elle s'achemina lentement vers la colline et la gravit avec effort. Le ciel était pur, la mer était calme, le soleil levant se dépouillait radieux de son lourd manteau de brume et chassait au loin ces brouillards épais qui, dans la saison d'automne, couvrent chaque matin la campagne et la cité. Belle de son amour, de sa foi et de ce feu qui luit encore au regard d'une femme, lorsque dans une dernière prière elle épanche son âme, Béatrix, la poitrine oppressée et la pâleur au front, parvint au pied de l'autel. À genoux, tenant dans ses bras tremblants sa fille adorée, elle prie dans un profond recueillement. Bientôt, le cœur de la pauvre mère s'ouvre à l'ineffable espoir. Elle se relève, consolée, présente devant l'autel le cierge béni, s'unit à la prière du prêtre et reprend le chemin de la ville. 2 mois après, alors que le vent glacé du nord emportait au loin les dernières feuilles détachées des arbres de la montagne sainte, l'âme de Béatrix avait pour toujours dit adieu à la terre. Elle venait de s'envoler vers les cieux. À son lit de mort, elle avait remis Améliane entre les bras de son époux. Elle avait supplié le frère Anselme de veiller sur elle et fait jurer à Catherine, sa nourrice, de ne jamais s'en séparer. La mort de Béatrix plongea Glandevès dans une douleur profonde que le temps ne dissipa que lentement. Son affliction fut telle qu'il ne voulut jamais consentir à contracter un nouvel hymen. Dès lors, toute sa sollicitude fut partagée entre sa fille et son pays. Il idolâtrait Améliane, qui promettait une enfant accomplie, mais il aimait Marseille, et son amour pour elle le rendait fier d'avoir vu le jour dans ses murs. Sans doute, cette ville était déchue de sa splendeur passée. Ses fameuses écoles n'existaient plus. Une ignorance à peu près générale avait remplacé la science et le génie. Mais de Glandevès ne se plaisait pas moins à dire que si Marseille n'avait plus d'université, elle était toujours une des premières villes du monde par son commerce qui la mettait en rapport avec toutes les nations connues. À ses yeux, sa patrie n'avait qu'échangé le savoir contre la puissance et la richesse, tandis que Rome, après avoir dominé le monde, gisait enveloppée de ses ruines, tandis que Carthage, qui pendant si longtemps avait lutté contre Rome, montrait à peine la place qu'elle avait occupée jadis. Au dévouement que le gentilhomme avait pour son pays, il joignait d'autres qualités non moins nobles. Il était brave, loyal, généreux, mais grave et parfois sévère. Aussi, lorsqu'Améliane, à peine échappée des bras de sa nourrice, essayait de monter sur les genoux de son père, elle s'arrêtait bien souvent craintive, l'examinait incertaine, puis courait cacher sa brune tête dans le sein de Catherine. Il ne fallait rien moins que le plus doux sourire de Glandevès, sourire qu'il ne trouvait que pour sa fille, pour vaincre la timidité de l'enfant. Pendant les premières années qui suivirent la mort de Béatrix, Améliane fut confiée entièrement aux soins de sa nourrice. Catherine essaya pour elle ce qu'aurait fait la dame de Glandevès. Mais qui pourra jamais remplacer une mère? L'enfant privé des baisers maternels grandit cependant, et quand elle entra dans l'adolescence, le père Anselme, alors nommé prieur de son abbaye, prit lui-même soin de l'instruire. Sa piété sincère et sa profonde science germèrent dans le cœur et dans l'esprit d'Améliane. Sous un tel maître, son intelligence se développa rapidement, douée qu'elle était d'ailleurs d'une âme tendre et d'une imagination ardente. Au don de l'esprit et du cœur, Améliane joignait sa suave beauté. Elle était grande, mince, sans être frêle. L'expression de ses grands yeux bruns était touchante. Rien n'égalait la douceur de son sourire. Mais digne tant que gracieuse, elle n'inspirait jamais l'admiration sans faire naître le respect. C'était la noblesse de la grande dame, jointe à la modestie, au charme de la jeune fille. Telle était Améliane lorsqu'Antoine de Glandevès fut nommé viguier. Élevé dans la retraite, habitué à la solitude, la jeune fille se trouva tout à coup obligée de paraître au milieu du monde. Elle s'acclimata sans effort à cette atmosphère nouvelle. Elle parut au milieu des fêtes, et vraiment elle en fut la reine. Entourée de tout ce que Marseille possédait de gentilshommes jeunes et beaux, elle resta calme et libre. 2 mois avant l'époque où nous arrivons, un jeune Romain, nommé Vincenzio Thibault, parent de Glandevès par sa femme Béatrix, arrivait à Marseille avec un de ses compagnons d'armes qu'il aimait comme un frère, le chevalier Guillaume du Puget. Celui-ci, qu'une importante affaire amenait dans cette ville, était porteur de lettres pour le père Anselme et pour le gouverneur. Les deux jeunes hommes furent bientôt admis dans l'intimité du viguier. Vincenzio, qui comptait quelques années de plus que Guillaume, avait un caractère hardi, chevaleresque. Plus d'une fois, sa franche gaieté faisait éclore un sourire sur les lèvres du grave de Glandevès. Guillaume, quoique ordinairement triste et presque toujours pensif, n'avait pas moins su captiver le gouverneur. Les vastes connaissances qu'il avait acquises par les soins de Claude Cessel, qu'il avait élevé, l'expérience qu'il avait de la guerre dans un âge peu avancé, tout en lui émerveillait le viguier. Souvent le soir, après la lecture que faisait ordinairement Améliane, quand celle-ci reprenait son ouvrage de laine, Antoine de Glandevès priait du Puget de raconter un fait d'armes où se mêlerait le nom de Bayard, dont la perte récente arrachait encore des larmes à tous les Français. Le jeune gentilhomme commençait son récit, puis, au souvenir des batailles auxquelles il avait assisté, s'animant par degrés, son éloquence entraînante tenait ses auditeurs comme suspendus à ses lèvres. Alors Améliane, immobile, respirait à peine, et son aiguille demeurait inactive dans ses doigts. Les choses en étaient là, lorsque le connétable arriva devant les murs de Marseille.